France Inter, il est 13h21. On retrouve Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X. Aujourd'hui, les négociations secrètes Israël-Palestine. La paix, cette paix improbable et pourtant tant attendue entre les Israéliens et les Palestiniens. La décennie précédente nous a donné à plusieurs reprises l'espoir que ce conflit né après la Deuxième Guerre mondiale allait enfin se terminer. Mais à chaque fois, ce fut l'échec. Un échec dont, pour chacun des deux acteurs, la responsabilité incombait à la partie adverse, bien entendu. Et aussitôt, la violence reprenait, actes de terrorisme d'un côté, représailles de l'autre. Cela fait 50 ans que ça dure. Depuis la création de l'État d'Israël sur une terre majoritairement peuplée d'Arabes, mais revendiquée pour des raisons à la fois historiques et religieuses par les Juifs. Aujourd'hui, le chemin improbable vers la paix s'appelle la feuille de route. Une initiative internationale qui fixe le cadre d'un processus qui devrait permettre aux Israéliens et aux Palestiniens de véritablement négocier et d'aboutir à la création d'un État palestinien qui vivrait en bonne entente avec son voisin juif. Mais dans les deux camps, il existe des extrémistes qui ne veulent pas d'un accord, des Israéliens ultra-religieux qui estiment que la Palestine tout entière doit être juive, des Arabes fondamentalistes qui ne rêvent que de détruire Israël. Alors au moment où renaît un très fragile espoir, j'ai demandé à M. X de revenir sur la responsabilité des uns et des autres et sur l'histoire tourmentée et secrète de ces 10 dernières années. Soleil sur la ville et le vent nous glaçait le dos et tout le monde avait compris que c'était la fin des haricots. On s'enfermait comme des débiles et on rallumait les fourneaux. Chacun chez soi, c'est plus facile pour soigner son manque de chaud. Pas l'esprit tranquille et les chiens se moquaient de nous, les clochards crevaient dans la nuit et l'abbé Pierre devenait fou. Si vos chiens l'hiver veulent sortir, c'est pas vraiment pour vous faire chier mais pour vous montrer dans leur style votre manque d'humanité. Devenez fou. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Oslo, White Plantation, Camp David, Tabac, autant de noms qui jalonnent l'histoire des relations entre les Israéliens et les Palestiniens. Et autant de rêves brisés. Oui. Et pourtant, on n'a sans doute jamais été aussi près de la paix. Enfin, je ne vais pas remonter trop loin d'ailleurs. Nous en avons déjà parlé ensemble lors d'une longue conversation consacrée à la création de l'État d'Israël. Oui. Un événement, faut le rappeler, qui demeure toujours douloureux pour les Palestiniens. Bien évidemment. Puisque nombre d'entre eux, de gré ou de force, ont dû abandonner leur village et leur terre. Et cette question des réfugiés demeure centrale. L'autre événement marquant, c'est l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza à la suite de la guerre des Six Jours en 1967. Oui, la Cisjordanie et Gaza qui devraient justement former le futur État palestinien. Un État arabe dont la création avait été prévue par une résolution de l'ONU adoptée en 1947. C'est dire la frustration de tous ces habitants arabes de Palestine qui non seulement n'ont toujours pas d'État, mais subissent une occupation militaire depuis la guerre des Six Jours. Il faut quand même préciser qu'avant la guerre des Six Jours, la Cisjordanie appartenait à la Jordanie. C'est juste, mais la Jordanie, au début des années 90, finira par renoncer à la tutelle qu'elle était censée exercer sur ce territoire. Et de facto, elle le permettra à l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, de représenter les Palestiniens de Cisjordanie. Et aussi le problème de la colonisation dans les territoires occupés. Oui, oui, les implantations, comme on dit en Israël. Les juifs religieux considèrent en effet que la Cisjordanie, qu'ils appellent la Judée et la Samarie, fait partie intégrante d'Israël. C'est, selon la Bible, hein, la terre que Jéhovah leur a donnée. Oui, c'est ça. Et ils rêvent de l'annexer purement et simplement. En attendant, ils y ont créé, avec la bénédiction de tous les gouvernements qui se sont succédés à Jérusalem, des colonies de plus en plus nombreuses. Et cette question est un vrai casse-tête pour les négociateurs qui ont sincèrement essayé d'aboutir à un accord de paix. Oui, et puis il y a Jérusalem. Bien entendu, Jérusalem, la ville des trois religions monothéistes. Lieu saint à la fois pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. Mais nous allons y revenir, car la question de la souveraineté sur Jérusalem a été la principale pierre d'achoppement sur laquelle ont buté les hommes de paix de la région. On ne peut pas non plus ne pas parler du contexte international. C'est certain, oui. La création d'Israël en 1948 a été approuvée par les principales puissances. Mais dont l'URSS de Staline, il faut le rappeler. Hein. Oui, les sionistes étaient généralement des hommes de gauche qui entendaient fonder un État socialiste. Ouais, les kibbutz. C'est ça. Et Staline a aidé les sionistes à combattre les armées arabes au cours de la guerre d'indépendance. Mais rapidement, à cause de la guerre froide, les Israéliens vont se rapprocher de l'Ouest. Et Tel Aviv va devenir le plus fidèle allié de Washington au Proche-Orient. Tandis que l'URSS va se rapprocher des États arabes. Oui, oui, mais alors, alors que s'amorce la fin de la guerre froide, les choses vont évoluer. Il y a un premier signe en 1989. Le secrétaire d'État de George Bush Senior, James Baker, invite publiquement Israël à mettre fin à la colonisation des territoires occupés et à renoncer à leur annexion. Et comment vous expliquez ça? Il y a au moins deux raisons. D'abord, l'administration Bush, très proche du lobby pétrolier, entend donner un signe de bonne volonté en direction des principaux États arabes. Ensuite, il est vrai que l'occupation israélienne et la résistance palestinienne génèrent un perpétuel abcès de troubles dans la région qui encourage les menées terroristes et peut à tout moment se terminer par une nouvelle guerre. Pour autant, Washington continue à soutenir fermement Israël. C'est évident. Toutefois, la première guerre du Golfe va à nouveau changer la donne. George Bush, en intervenant militairement pour libérer le Koweït, le fait en principe au nom du droit international. Mais au Proche-Orient, il existe un État qui bafoue systématiquement ce même droit. C'est Israël. Oui, Israël qui refuse de se plier aux résolutions de l'ONU, qui lui enjoignent de se retirer des territoires occupés. Par conséquent, les Américains vont faire pression un peu sur les Israéliens. Effectivement. Ils y sont d'autant plus résolus que la menace soviétique n'existe plus. Oui, qu'ils ont donc les mains libres. Ouais. Et ça va se traduire par l'organisation de la conférence de Madrid en octobre 91. Pour la première fois, des représentants arabes et israéliens vont discuter publiquement, alors même qu'en Cisjordanie se poursuit la guerre des pierres. La première intifada. Oui, ça n'a pas été facile à organiser. Il a fallu que la communauté internationale tout entière s'implique. Les affrontements ont été nombreux. Le premier ministre israélien était alors Yitzhak Shamir et ce n'était pas à attendre. Oui, oui. Quant aux représentants palestiniens, ils n'étaient pas non plus enclins à faire des concessions. Et puis, il y avait les autres problèmes en suspens entre Israël et ses voisins. Oui, l'occupation du Golan, territoire syrien. Et la présence de l'armée israélienne au sud du Liban. Toutefois, le dialogue était amorcé, c'était le principal. Mais déjà, se dessinaient les ambiguïtés qui persistent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire Palestiniens et Israéliens veulent également la paix, mais pas aux mêmes conditions. Pour les premiers, c'est clair. c'est la paix contre les territoires. C'est-à-dire la fin de l'occupation. Et le retour aux frontières de 1967. Tandis que pour les Israéliens, la paix définitive ne peut être envisagée que si la sécurité d'Israël est assurée. Ouais, la paix avant la paix, en somme. Mais remarquez-le bien, c'est toujours le cas. Avant d'appliquer la feuille de route qui doit conduire à la paix, le gouvernement israélien exige d'abord la fin des violences. Ouais, l'arrêt des attentats. Mais c'est une sorte de cercle vicieux. Hein. Certes. Mais disiez-vous, là, cette conférence de Madrid marquait quand même un progrès. Incontestablement. Même si, après ce premier espoir suscité à Madrid, on a noté que le ministre israélien du logement, qui était alors Ariel Sharon, s'est empressé d'inaugurer une nouvelle colonie de peuplement sur le Golan. Et ce n'est pas un hasard, j'imagine. Bien sûr que non. Ariel Sharon faisait partie de ces dirigeants de Likoud qui n'entendaient rien céder et réclamaient purement et simplement l'annexion de la Cisjordanie et de tous les territoires conquis en 1967. Ouais. Il ne pouvait donc pas être favorable au dialogue avec les Palestiniens. C'est évident. Mais concrètement, est-ce que cette conférence de Madrid a donné quelques résultats? Apparemment, non. Et pourtant, quelque chose a changé. Et 2 ans plus tard, ce sera Oslo. Ah oui, les accords d'Oslo. Ouais. Ouais. Toutefois, il faut le noter, la violence ne cesse pas, bien au contraire. Au sud du Liban, d'abord, où Tsahal et ses supplétifs libanais affrontent le Hezbollah. Et dans les territoires occupés en Israël, où un nouveau mouvement palestinien, le Hamas, multiplie les attentats. Ouais, le Hamas, qui est un, il faut le rappeler, un mouvement islamiste. C'est ça, le Hamas a été financé par les monarchies arabes de la région. Et au début, les Israéliens n'ont pas vu d'un mauvais œil sa création. Mais pourquoi Parce qu'ils pouvaient faire contrepoids à l'OLP d'Arafat. Ouais, divisé pour mûrir. Oui, ouais. Mais le Hamas s'est révélé être encore plus implacable. C'est le Hamas du Cheikh Yassine qui va inaugurer la sinistre série des attentats suicides. Et en face, bien sûr, Israël réagit avec la même vigueur. Mais malgré tout, le dialogue se poursuit entre Arabes et Israéliens. Officiellement à travers de nombreuses initiatives diplomatiques encouragées par les Américains et très secrètement grâce à des filières qui permettent à des représentants palestiniens et israéliens de se rencontrer à l'étranger. Pourtant, je crois me rappeler que la loi israélienne interdisait alors toute rencontre d'un citoyen israélien avec un représentant palestinien. Ouais, vous avez tout à fait raison, car l'OLP était alors considérée comme une organisation terroriste. Mais ça va changer avec le retour des travaillistes au pouvoir. Et l'un des premiers actes du nouveau Premier ministre, Yitzhak Rabin, consistera justement à abolir cette loi. C'est plus qu'un symbole, désormais, tout va aller très vite. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Il est souvent fait référence aux résolutions de l'ONU, résolutions que l'État d'Israël se refuse à appliquer. Il s'agit d'abord de la résolution 194, adoptée en décembre 1948. Elle stipule qu'à la suite du départ forcé de centaines de milliers de Palestiniens, il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer et pour tout bien perdu ou endommagé. Cette loi du retour, comme disent les Palestiniens, est toujours au cœur du conflit. L'autre résolution, la 242, a été adoptée par le Conseil de sécurité en 1967, 6 mois après la guerre des six jours. Elle exige l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient, paix qui passe par le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés par le récent conflit et le respect et la reconnaissance de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région et leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces et d'actes de force. Ce qui implique que si Israël revient aux frontières de 1967, les pays arabes à leur tour devront reconnaître l'existence de l'État d'Israël. La question est toujours actuelle, même si la Jordanie et l'Égypte ont déjà satisfait cette dernière exigence. Vous avez évoqué l'élection de Rabin et l'arrivée au pouvoir des travaillistes. Alors qu'est-ce qui va changer ? Bah, il faut tout de suite le dire, si la gauche a gagné, c'est que la société israélienne est lasse. Elle aspire à la paix et à la sécurité. Ce que le gouvernement de M. Shamir ne pouvait lui garantir. Exactement. Le Likoud était partisan d'une politique de lutte à outrance contre les Palestiniens, considérés dans leur ensemble comme des terroristes. Puis il y avait ces colonies, toujours plus nombreuses dans les territoires occupés, qui étaient ressenties comme autant de provocations par la population palestinienne. L'arrivée de Rabin provoque donc un grand espoir. Oui, mais concrètement, que promet-il ? Rabin n'est pas un agneau, c'est un général qui a toujours fait preuve de la plus grande fermeté. Mais il prône une politique plus souple. Il fait, par exemple, la différence entre les colonies qui sont nécessaires à la sécurité d'Israël et celles qui n'ont été créées que pour des raisons religieuses ou idéologiques. Oui, au nom du grand Israël. Oui. En outre, Rabin pense que l'armée devrait se retirer des villes. Et il est même partisan d'accorder une certaine autonomie aux Palestiniens. Encore loin de l'indépendance. Hein. Évident. Enfin, dans le même temps, il encourage les négociations secrètes qui vont aboutir aux accords d'Oslo. Mm-hmm. Des négociations directes avec les Palestiniens. Avec des Palestiniens qui pour la plupart sont issus des territoires occupés. Mais en accord avec Yasser Arafat. Arafat qui est alors établi à Tunis avec tout l'état-major de l'OLP. Bien entendu, rien ne peut se passer sans Arafat. Mais ces Palestiniens qui viennent des territoires occupés sont des personnages nouveaux, souvent très brillants, des gens qui connaissent la réalité israélienne. Et qui sont donc mieux à même de discuter avec les Israéliens. C'est sûr. Le dialogue est plus confiant, plus réaliste aussi. On parle par exemple beaucoup d'économie, donc de coopération. En tout cas, et pour l'opinion mondiale, ce serait une sorte de miracle. Après seulement une dizaine de rencontres secrètes, un accord est trouvé. Et il est solennellement signé à Washington sous les auspices de Bill Clinton, le nouveau président américain. Et en présence de Yasser Arafat et d'Yitzhak Rabin. Et de Shimon Peres, c'est exact. Et l'image de la poignée de main est très forte. Même si, à l'évidence, Rabin a dû se forcer un peu pour serrer la main du leader palestinien. Alors, plus précisément, les détails sur cet accord. Disons-le franchement, il n'est pas très équilibré. Ce qui signifie Les Palestiniens donnent plus qu'ils n'en reçoivent. Ils reconnaissent l'État hébreu, s'engagent à renoncer au terrorisme et à désarmer la population palestinienne dans les territoires occupés. Mais en retour Israël considère que l'OLP représente le peuple palestinien. Mais il n'est pas question alors de la création d'un État palestinien. Ni même de l'arrêt de la colonisation, par exemple. Non, on évoque seulement l'autonomie progressive des territoires. On peut se demander pourquoi Arafat a-t-il signé Essentiellement parce qu'il est enfin reconnu. En un tournement, il est passé du statut de chef d'une organisation terroriste à celui du représentant d'un peuple. Et lui, qui vit en exil depuis si longtemps, pourra enfin revenir chez lui. Et il pourra même discuter d'égal à égal. C'est en tout cas ce qu'il espère avec le gouvernement israélien. D'accord, mais sur le fond, rien n'est réglé. Hein. C'est juste, et les questions demeurées en suspens sont nombreuses. Les réfugiés, la souveraineté sur la terre, le retrait des territoires occupés, les frontières, le statut de Jérusalem. Tout cela, au terme des accords d'Oslo, devra faire l'objet de négociations futures, qui ont quand même été datées et devront se terminer au plus tard en 1999. Mais vous le savez bien, on ira de retard en retard, et aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, c'en est fini des accords d'Oslo. Mmh. Alors, soyons clairs, est-ce que Arafat a été berné ? Difficile à dire. Il est clair, comme vous le dites, que les Israéliens ne voulaient pas avancer trop vite. Toujours cette obsession de la sécurité. Oui, oui, car la signature des accords d'Oslo, bien qu'elle ait soulevé un immense espoir, ne met pas fin à la violence. Des deux côtés, Rabin doit tenir compte de l'existence de colons très déterminés qui ne veulent pas entendre parler des accords d'Oslo et d'un éventuel démantèlement de leurs implantations. Souvenez-vous du massacre du caveau des patriarches où un extrémiste religieux a tué une trentaine d'Arabes. Oui, je me souviens. Quant à Arafat, il a aussi des problèmes, il doit affronter ses propres extrémistes. Le Hamas, oui. Mmh. Les militants de ce mouvement particulièrement bien implantés dans la bande de Gaza en tiennent toujours pour la destruction de l'État d'Israël et ne renoncent pas aux attentats anti-israéliens. L'application des accords d'Oslo, si modeste soit-elle, est donc bien hasardeuse. Mmh. Puis il va y avoir l'assassinat d'un des signataires des accords. Hein. Oui, le sacre Rabin, en novembre 1995. Là encore, c'est un extrémiste religieux qui a agi. Un jeune homme qui, dit-on, a sans doute trop bien entendu les discours extrêmement violents de la droite contre le premier ministre israélien, coupable d'avoir serré la main d'Arafat. À votre avis, l'acte d'un homme seul ? Officiellement, oui. Voilà, j'ai vraiment du mal à le croire. Car on va assister à toute une série d'événements qui iront tous dans le même sens. Le sabotage des accords d'Oslo. C'est-à-dire le sabotage de la paix. Oui. Quelques semaines après l'assassinat de Rabin, et alors que le nouveau Premier ministre Shimon Peres vient de décider le retrait de 6 grandes villes palestiniennes, dont Hébron, l'armée israélienne liquide un responsable du Hamas. C'est d'autant plus grave que Yasser Arafat, vainqueur des premières élections palestiniennes, avait obtenu du Hamas qu'il cesse ces attentats. Ouais, le Hamas qui va se venger. Vous ne pouvez pas en être autrement. Les islamistes répondent par 2 attentats suicides en Israël qui vont faire une trentaine de morts. Des attentats qui vont être exploités politiquement par la droite et l'extrême droite israélienne qui soutiennent que c'est Arafat en personne qui se trouve derrière ce massacre. La popularité de Peres est alors au plus bas. Or, les élections sont prévues au mois de mai 96, soit quelques semaines après ce double attentat. Alors bon, le mot est peut-être un peu exagéré, mais peut-on parler de complot ? Attendez, ce n'est pas fini. Dans l'armée, ça bouge aussi. Pourtant, Tsahal est une armée disciplinée, qui respecte les principes démocratiques. Peut-être, mais il lui arrive aussi de peser sur le jeu politique. Et même de prendre des initiatives sans en référer totalement au gouvernement. Mmh. C'est ce qui est arrivé au Liban avec Ariel Sharon. Oui, ça s'est terminé, tout le monde le sait, par les massacres de Sabra et Shatila. Nous en reparlerons peut-être un jour. Et puis il faut dire que pas mal d'officiers supérieurs sont opposés à la politique de Rabin, puis à celle de Peres. C'est essentiellement la perspective du démantèlement des colonies qui leur fait peur. Pourquoi ? Pour des raisons de sécurité ? Oui, ces colonies sont autant de bases avancées en territoire hostile. Et dans l'hypothèse d'un nouveau conflit judéo-arabe, elles joueraient un rôle considérable. Et puis certains de ces généraux sont aussi partisans d'un grand Israël. N'oubliez pas qu'un homme comme Ariel Sharon a déclaré à plusieurs reprises qu'il fallait expulser tous les Arabes de Cisjordanie, leur vraie patrie se trouvant de l'autre côté du Jourdain. En Jordanie, non ? Oui, les militaires sont aussi préoccupés par la question du Liban, du sud-Liban plus précisément, où le Hezbollah harcèle l'armée d'occupation israélienne et menace la frontière nord d'Israël. Ça fait longtemps que les généraux israéliens réclament au gouvernement l'autorisation de mener une opération d'envergure pour liquider une fois pour toutes cette résistance. Ces pressions alors se font de plus en plus fortes ? Oui, oui, Shimon Peres, déjà très affaibli, finit par céder. Peut-être pense-t-il qu'en se rangeant à l'opinion de ses généraux, il a redressé sa cote de popularité bien mise à mal. En tout cas, il donne son feu vert à l'opération Raisin de la Colère. Et c'est la catastrophe. C'est-à-dire Tsahal entre en force au sud-Liban. Il s'agit non seulement d'éliminer les combattants du Hezbollah, mais aussi d'imposer à la Syrie et au Liban qu'ils cessent de les aider. Je croyais que le Hezbollah était d'abord soutenu par l'Iran. C'est vrai, mais sans l'appui de Beyrouth et de Damas, ce mouvement ne pourrait pas survivre. Les bombardements sont intensifs, extrêmement violents, et une bavure se produit, une très grosse bavure. Un camp de casques bleus où de nombreux civils libanais ont trouvé refuge est frappé. Ouais, il y aura plus d'une centaine de morts, hein, c'est si ça. Je me souviens bien. Ouais. La communauté internationale s'émeut. Français et Américains négocient un cessez-le-feu. Israël sort humilié de cette terrible aventure et Shimon Peres a perdu toute chance de gagner les élections. Mmh. Alors je reviens à la question que je vous posais. Y a-t-il eu, oui ou non, un complot mis en place pour déstabiliser le gouvernement travailliste ? Et permettre le retour au pouvoir du Likoud ? Mmh. C'est bien ce que vous me demandez. Bah, oui, oui, oui. Bah, écoutez, je vais être franc, je n'en sais rien. Mais je m'interroge. Et je trouve cette succession d'événements bien étrange. Bref, vous ne croyez pas au hasard ? Le moins possible. France Inter, rendez-vous avec X. Revenons un instant sur l'opération Raisin de la Colère au sud Liman. Voici comment l'analyse Georges Corme dans un remarquable livre, Le Proche-Orient éclaté, 1956-2003, paru récemment chez Folio Gallimard. L'opération apparaît donc comme un échec grave du gouvernement israélien qui n'a nullement obtenu l'élimination du Hezbollah par les autorités libanaises et syriennes. À quelques semaines des élections parlementaires en Israël et en dépit de tous les efforts du gouvernement américain pour sauver la face de ses alliés travaillistes au pouvoir, l'échec de l'opération Raisin de la Colère sera fatal. Le parti travailliste perdra les élections au profit du Likoud et des partis religieux qui ont promis aux électeurs une révision fondamentale du processus de paix et une reprise ouverte et à grande échelle de la colonisation de la Judée et de la Samarie. Pour l'opinion arabe, l'opération israélienne au Liban confirme que le gouvernement israélien n'a pas la volonté de mettre en œuvre la paix. Non seulement les Palestiniens continuent d'endurer des souffrances en dépit de la signature des accords d'Oslo, mais les Israéliens sont toujours aussi brutaux et arrogants, forts de la complicité américaine. Pérez perd donc les élections de 1996. Hein. Et Benjamin Netanyahou lui succède. C'est un faucon qui est très hostile aux accords d'Oslo. Netanyahou a fait ses études et une partie de sa carrière aux États-Unis où il a gardé de nombreux contacts avec des républicains conservateurs proches des fondamentalistes chrétiens. Des gens qui, pour des raisons religieuses, bibliques, j'allais dire, sont favorables au grand Israël. Il faut d'ailleurs noter au passage qu'on assiste à une sorte de renversement politique aux États-Unis sur la question israélienne. Oui, car c'était plutôt les démocrates qui soutenaient Israël. Oui, et de plus en plus, ce sont les républicains qui vont devenir les plus ardents supporters de l'État hébreu. Oui. Alors, pour des raisons religieuses, oui, c'est ça. Et la lutte contre le terrorisme islamiste va encore aggraver ce renversement. On le voit aujourd'hui avec George Bush Jr. Alors que son père, lui, vous l'avez dit, n'était pas très favorable à Israël. À cause de ses relations avec le lobby pétrolier, mais enfin, passons. Est-ce que l'arrivée de Netanyahou signifie tout bonnement la fin du processus de paix? En tout cas, il est mis à mal. Pour Netanyahou, il n'est pas question d'accepter la création d'un État palestinien. À la rigueur, il veut bien envisager une certaine autonomie, à condition que l'armée israélienne garde une totale liberté d'action dans les territoires et qu'Israël continue à contrôler les positions stratégiques. Et le nouveau Premier ministre ne tarde pas à dévoiler ses intentions. Il nomme Ariel Sharon au poste clé, de ministre des infrastructures chargé du cadastre. Ouais. C'est donc Sharon qui va s'occuper des colonies. Et en tant que responsable du cadastre, il peut exproprier des terres arabes pour y installer de nouvelles colonies. Très vite, Netanyahou annonce que les avantages fiscaux consentis aux nouveaux colons sont rétablis. Parce qu'ils avaient été supprimés par les travailleurs. Oui, en même temps, Sharon et Netanyahou décident l'édification de nouvelles implantations et la construction de 1500 km de routes destinées à relier les colonies entre elles. L'objectif est clair. Il s'agit de développer la population israélienne dans les territoires occupés. Et effectivement, des dizaines de milliers de colons supplémentaires vont arriver en Cisjordanie. En face, comment réagit-on? Mal, très mal. Mais la partie n'est pas égale. D'autant que l'économie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza ne cesse de se détériorer à cause des fréquents bouclages imposés par les forces israéliennes. Ouais, tous les ponts sont coupés? Pas tout à fait. Et Netanyahou ne peut pas faire fi des pressions de Washington qui réclament l'application des accords d'Oslo. Il accepte donc de rencontrer une première fois Arafat. Une rencontre sans grande chaleur, comme vous pouvez l'imaginer. Mais tout juste quelques jours après cette amorce de dialogue, Netanyahou se livre à une véritable provocation. Et qu'est-ce que ça ? Il donne l'autorisation d'ouvrir un tunnel à Jérusalem. Ah oui, je me souviens. Un tunnel qui, en longeant le mur des Lamentations, donne donc accès au mur de soutènement de l'esplanade des mosquées. Pour les Arabes, c'est un sacrilège. Il faut dire que autant pour les Juifs que pour les Arabes, cette partie de la vieille ville de Jérusalem est au cœur de leurs croyances religieuses. Mmh. C'est-à-dire les fondations du temple pour les Juifs et la grande mosquée Al-Aqsa pour les Arabes. Troisième lieu saint de l'islam. Par conséquent, il est impossible de toucher quoi que ce soit dans ce secteur sans blesser les convictions des uns ou des autres. Et l'affaire du tunnel dégénère aussitôt. Les territoires s'embrasent, l'armée israélienne riposte et il y a des dizaines de morts. C'était prévu ? Je pense. C'est la politique de Netanyahou, un pas en avant, la poignée de main avec Arafat, un pas en arrière, l'ouverture du tunnel, et ça va continuer. Un mois plus tard, à la fin 96, je crois, Netanyahou rencontre à nouveau Arafat. Il est question de l'évacuation d'Hébron par Tsahal. Mm-hmm. Oui, évacuation prévue par les accords d'Oslo, et Netanyahou accepte ? Oui. Toutefois, quelques centaines de colons demeureront à Hébron, où ils seront protégés par l'armée. En janvier 97, l'armée israélienne, à l'exception de cette importante force de protection, quitte la ville. Mais un mois plus tard, Netanyahou donne l'ordre de construire un nouveau quartier juif au sud de Jérusalem, en pleine zone palestinienne. Une nouvelle provocation ? Ça y ressemble, non ? Ouais. Comment expliquez-vous cette attitude alors ? Netanyahou veut en donner le moins possible aux Palestiniens. En cela, il est fidèle à lui-même, puisqu'il l'a annoncé lors de la campagne électorale. Donc, il use de tous les moyens pour retarder une éventuelle application des accords d'Oslo. Et ça marche. À chacune de ces provocations, les Palestiniens, surtout les militants du Hamas, répondent par des attentats. Et ça permet au Premier ministre israélien de mettre en cause Arafat. Vous avez tout compris. Et au nom de la préservation de la sécurité d'Israël et de la lutte contre le terrorisme, on enclenche des représailles, souvent contre l'avis des services de renseignement israéliens, qui eux savent que le Hamas agit indépendamment de Yasser Arafat. Mais comment les Américains peuvent-ils laisser faire ? C'est ça qui est étonnant. Clinton ne garde sympathie pour Benjamin Netanyahu. Mais il est prisonnier de la politique américaine qui a toujours privilégié un soutien inconditionnel à Israël. En outre, le lobby pro-israélien est très puissant aux États-Unis. Alors c'est vrai, la Maison-Blanche essaie de faire pression sur Netanyahou qu'il respecte le processus de paix. Mais ça ne marche pas toujours, quoi. Non. Et pour dire nettement les choses, Clinton fait preuve d'une grande mollesse. Par exemple, lorsque Netanyahou a décidé de construire ce nouveau quartier juif à Jérusalem, l'Assemblée générale de l'ONU a presque à l'unanimité condamné cette violation patente des accords d'Oslo. Mais aucune résolution n'a pu être votée au Conseil de sécurité car Washington a fait usage de son droit de veto. Alors Bill Clinton n'a donc pas osé. Oui, et bientôt c'est Netanyahou à son tour qui va essayer de faire pression sur le locataire de la Maison Blanche. De quelle façon ? Ben, encore un petit peu de patience. Il y avait longtemps. Ah, que voulez-vous, à mon âge, on ne résiste pas à ce genre de petits plaisirs. Où en étais-je ? Ah oui, au milieu de l'année 97, Netanyahou commet une grosse bévue. Il envoie des agents des services secrets en Jordanie, où ils doivent empoisonner un important dirigeant du Hamas. Mais patatras, les types sont pris la main dans le sac alors qu'ils viennent effectivement d'empoisonner leur victime. Ouais, je me souviens très bien, pour obtenir la libération de leurs agents, les Israéliens doivent envoyer de toute urgence un contrepoison en Jordanie. Hein. Et ils sont contraints, pour réparer leur faute, de libérer plusieurs prisonniers palestiniens, dont le chef religieux du Hamas, le fameux Cheikh Yassin. Ouais, Cheikh aveugle, presque aveugle. Et Netanyahou ne sort pas grandi de cette mésaventure. C'est évident. Netanyahou, à cause de ses constants allers-retours, à cause aussi de son intégrité personnelle qui sera mise en cause par la presse israélienne, finira par lasser. Même les généraux le lâcheront. Le résultat, c'est que le Parlement israélien, la Knesset, décidera de se dissoudre et lors des élections qui suivront, c'est le soldat le plus décoré d'Israël qui deviendra le premier ministre. Le général Ehud Barak. Oui. Enfin, auparavant, il y aura le sommet de Wai Plantation en 1998. Un sommet israélo-palestinien que Bill Clinton, alors en campagne électorale de mi-mandat, a imposé aux deux parties. Une nouvelle fois, Netanyahou sera tel qu'en lui-même, brutal et capricieux. Pourtant, on aboutira quand même à un accord. C'est vrai, un accord qui prévoyait que l'autorité palestinienne pourrait contrôler 40% des territoires à condition de faire de gros efforts en matière de sécurité. Mais à terme, elle n'en contrôlera que 28%, car Netanyahou ne cessera d'exiger d'Arafat qu'il donne plus de garanties. Mais toujours en matière de sécurité, bien entendu. Enfin, soyons justes, Netanyahou ne pouvait pas en faire plus. Même si l'on avait eu le désir, il n'aurait pas pu aller plus loin à cause des éléments d'extrême droite de sa majorité. Mmh. À l'issue de White Plantation, la situation était donc encore bloquée. Et la paix était loin d'être trouvée. Aussi, l'élection de Barak a-t-elle soulevé un nouvel espoir ? La gauche revenait au pouvoir. Pouvait-on attendre d'elle la réactivation des accords d'Oslo ? Je vous propose d'en reparler la semaine prochaine. Allez, avant de nous quitter, là, Vous avez promis de me parler de ces pressions que Netanyahou aurait exercées sur Clinton. Le premier ministre israélien, je vous l'ai dit, connaissait très bien les États-Unis et en particulier le monde de la communication. En 97 et 98, vous vous rappelez, le président américain est empêtré dans l'affaire Monica Lewinsky. Ah oui, la pulpeuse stagiaire de la Maison-Blanche qui a accordé, comment dirais-je, quelques faveurs buccales à Clinton. Oui, c'est ça. Oui, on peut présenter les choses comme ça. Clinton a menti, il est très mal. D'autant que la petite stagiaire s'est confiée à une amie qui a enregistré ses propos. Des propos qui sont maintenant dans les mains du procureur spécial Kenneth Starr, l'homme qui veut aboutir à la destitution de Clinton. Oui, mais pardonnez-moi, mais quel rapport avec le conflit israélo-palestinien ? Eh bien, l'ami qui a enregistré les propos de Monica Lewinsky fait partie des amis du Likoud aux États-Unis. Vous comprenez peut-être mieux maintenant. Ouais. Alors vous pensez que Netanyahou aurait pu lui demander de recueillir cette confession ? Oh, je ne sais pas. Enfin, il s'en est servi, c'est sûr. Tous les témoins qui ont assisté aux entretiens de White Plantation ont observé que Clinton avait la tête ailleurs. Et ça, ça ne pouvait pas desservir la délégation israélienne qui n'était venue discuter avec les Palestiniens qu'à contre-cœur. Rendez-vous est pris pour samedi prochain et la suite de ce récit consacré au dialogue entre Israël et les Palestiniens. Je signale que Charles Anderlin, dans son livre essentiel sur ce sujet, Le rêve brisé, paru chez Fayard, fait une allusion à l'éventuelle utilisation de l'affaire Lewinsky par Netanyahou. Samedi prochain, donc, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Merci Patrick Pénaud et à samedi prochain.